Je regarde mon futur, putain, je n'y vois rien. C'est tout flou, tout obscur, et c'est plein de chemins. Des impasses, des cul-de-sac, et encore des coups-gorges, mais pas un cette vie voudrait faire un échange, redevenir petit ou dans la peau d'un ange. Je regarde mon miroir, le reflet de la mort, le sourire d'un rasoir. Il plus intelligent, juste un petit rêveur qui n'a plus de rêve vivant. Je meurs de cette vie, je voudrais faire un échange, redevenir petit. Qui vivait des journées de vertige sans raison, s'il voulait. Réalité concrète sans intérêt aucun, je vous laisse à votre fête et salut en commun. De cette vie, je voudrais faire un échange, redevenir petit ou dans la peau d'un ange. Je parle de cette vie, je voudrais faire un échange, redevenir petit.